Quand on est jeune, on veut tout apprendre et prendre. Pourtant, la vie, tôt ou tard, demande des comptes. Alors, on essaie un peu de comprendre où nous allons et qui pourrait répondre à toutes nos questions.